Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est reparti pour un tour de disco funk. J'avais évoqué un temps une spéciale Megamix. Eh bien, en ce mois de juillet, nous y voilà. Alors, on va débuter par le plus connu d'entre eux, celui de Bonnem. Il va paraître en 1988 sur l'album Greatest Hit of All Times. Il va atteindre, bien sûr, la première place en France. Je ne vais pas vous dire quelle chanson y figure, je vais vous laisser chercher un peu. C'est votre devoir de vacances. By the rivers of... He was such a lovely dude. Alors, vous avez trouvé ? Voici dans l'ordre. River of Babylon, Sonny, Daddy Cool, Rasputin, My Baker et Gotta Go Home. Alors, passons à la suite. Le client suivant, c'est Imagination. Leur Megamix, il paraît en 1989 et il figure sur leur album All the Hit Hot Sensational, paru en 1989 aussi. Allez, c'est parti! Alors, c'est mieux en termes de réponse que Boney M. Alors, il s'agit de Music and Light, Just an Illusion, So Good, So Right et Flashback. La suite, eh bien, la suite, c'est un groupe mythique, Village People. Sorti en 1989 aussi, c'est l'année des Megamix, on va l'appeler comme ça maintenant. Cet extrait de l'album Greatest Hit, et il me semble, alors, à vérifier que c'est le programme, que c'est pas le programme, mais que c'est le premier Megamix jamais sorti. Mais alors ça, j'en suis pas sûr à 2000%, mais mon petit doigt me dit ça. Allez, c'est parti pour les titres. Why? Alors, la réponse, c'est YMCA, In the Navy, San Francisco, Macho Man et You Can Stop the Music. Allez, un petit dernier pour la route. On va s'attaquer à Cool and the Gang et là, c'est du lourd en Megamix. Ça dure 10 minutes, mais c'est que du bon son et vous n'allez pas être déçus. Poussez les tapes, ça va bouger et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Don't wanna dance by standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Oh yes, sis, get down on it. Oh yes, sis, get down on it. Oh yes, sis, get down on it. Come on and get down on it. Oh yes, sis, get down on it. Oh yes, sis, get down. As the sun. bottom, but you always saw the light, and now you're ready for your journey, one direction, reaching high. Keep the feeling of the spirit always present as you climb. One direction, one vibration, that's the message. You can make it if you try. Straight ahead, moving straight ahead. Straight ahead. Oh yeah. Let's go. There's a party going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. Celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration.